chercher le contrut. Je ne suis pas contre la lutte. Tout de même, il y a la gréco qui te retrouve sur le dos. Et Juliette chante Saint-Germain. Robespierre meurt ce matin. Pour l'un, la fin d'une révolte. Pour l'autre, la fin d'une époque. Je ne savais pas le bonheur passé si haut. Je ne savais pas ma douce n'était si chaud. J'aurais dû me douter, ça devait arriver. Le temps qui passe et je passe à regarder. La musique a ouvert ses portes. À n'importe quoi, de n'importe qui. Le galvaudage est plus qu'un parti pris. Absorbé par cette foule, cette porte. Avide, le regard imbécile, avale n'importe quoi sans réagir. De ces médias, les lecteurs si dociles, de ces artistes au génie sans mouillir.